J'aime qu'elle me tire du lit avec un café noir et des petits croissants. J'aime qu'elle me gratte le dos quand je suis dans mon bain comme un petit poisson. J'aime qu'elle me dise toujours en me parlant d'amour. J'aime qu'elle me fasse l'amour mais sans lui faire la cour. Valo macho, affreux salaud, c'est lui. Valo macho, affreux salaud, c'est lui. Valo macho, affreux salaud, c'est moi. Valo macho, affreux salaud, c'est moi. C'est pas la peine de faire du cinéma pour arriver à se brancher une nana. Dans l'eau, j'aime qu'elle me téléphone, qu'elle se pointe chez moi sans trouver personne. Oh, j'aime qu'elle me dise toujours en me parlant d'amour. Oh oui, j'aime ça. J'aime qu'elle me fasse l'amour mais sans lui faire la cour. Salut.